franceinter.fr. Silence dans les rangs. Telle semble être en effet la consigne qui a été donnée aux militaires français qui ont participé au Rwanda à l'opération Turquoise. Il s'agissait pourtant en principe d'une mission humanitaire destinée à venir au secours des populations rwandaises à l'issue du terrible génocide qui a ensanglanté ce petit pays du centre de l'Afrique. Presque 1 million de victimes, je vous le rappelle. Turquoise, qui avait reçu l'aval de l'Organisation des Nations Unies, était donc une opération louable. Mais son principal objectif n'était-il pas de faire oublier les complaisances coupables de notre pays à l'égard des génocidaires, c'est-à-dire de l'armée régulière rwandaise et des milices hutus formées et entraînées par des militaires français avant les massacres du printemps? La question mérite d'être posée. Monsieur X y revient largement. De la même façon, alors que la guerre entre l'armée Tutsi du FPR et les forces gouvernementales n'était pas terminée, n'y avait-il pas aussi la tentative de s'interposer entre les belligérants, c'est-à-dire en réalité de venir au secours de nos alliés de toujours, les Hutus, qui se trouvaient en difficulté? Cependant, d'autres ombres planent sur l'exécution même de Turquoise fin juin 1994. Dans la montagne de Bicécéro, près du lac Kivu, les officiers français ont-ils failli en laissant se perpétrer un nouveau massacre de Tutsis? Bref, ont-ils commis une bavure criminelle en se rendant complices des tueurs Hutus? Ou au minimum, ne peuvent-ils être accusés de non-assistance à population en danger? Avant d'écouter M. X, je vous signale l'apparition très récente d'une remarquable enquête de ma consoeur de France Culture, Laure de Vulpian. Silence, Turquoise. Avec le recul, ce qui semble énorme, c'est l'incroyable passivité de la communauté internationale face au génocide rwandais. Les massacres, nous en avons parlé la semaine passée, ont commencé seulement une heure après l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Ce qui signifie que le génocide était programmé. C'est évident, et les tueries vont se prolonger pendant 3 mois, jusqu'à la fin juin 1994. Quasi impunément, donc. Alors, que des casques bleus se trouvaient au Rwanda. Hein. Oui, les soldats de la MINUAR, 2400 hommes. Qui n'ont donc pas bougé. En pire même, après l'assassinat de 10 casques bleus belges par des tueurs Hutus, le Conseil de sécurité de l'ONU divise par 10 le contingent de cette force internationale. Et la France, alors, qui a été si fortement impliquée au Rwanda? En principe, nous n'avions plus de soldats là-bas depuis le départ de la force Norrois en décembre 1993. Mais on en reparlera. Oui. Puis les militaires français vont venir. Tout de suite après l'assassinat du président Habyarimana. Il s'agit de l'opération Amaryllis, menée par des forces spéciales. Mais il n'est pas question d'intervenir pour empêcher les massacres, mais seulement de procéder à l'évacuation de 1300 personnes. Des ressortissants français et occidentaux, et aussi des proches du président, dont sa femme. Ouais. Oui, les proches du président sont très proches du clan des génocidaires. Hein. C'est certain, et les Français repartent, et ensuite les tueurs peuvent agir à leur guise dans les territoires qu'ils contrôlent. Et au fond, seule l'avancée de leurs adversaires du FPR est capable de les freiner. Ouais. Mais comment expliquer alors l'inaction de la communauté internationale? Les raisons sont multiples. Prenez les pays anglo-saxons. Par exemple, à l'évidence, ils souhaitent la victoire du FPR anglophone. Or, à leurs yeux, une intervention internationale gênerait la rapide progression des forces tutsies. Oui, mais pendant ce temps, les Hutus continuent à massacrer. D'autre part, initiative regrettable, toujours devant le Conseil de sécurité, notre représentant s'oppose à ce que le massacre des Tutsis soit qualifié de génocide. Oui, mais je crois me souvenir que peu de temps après, cette position changera. Oui, grâce à Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de cohabitation. À l'Assemblée nationale, il n'hésite pas à prononcer le mot « génocide ». Mieux, il ose dire que celui-ci est l'œuvre des troupes régulières rwandaises. C'est d'autant plus étonnant que la France a trop longtemps refusé de cesser de soutenir ses traditionnels alliés. Les Hutus. Elle a donc une part de responsabilité dans le génocide. Hein. On ne peut que le regretter. Ouais. Mais il y aura quand même un changement de cap. Vous lui parlez de l'opération turquoise. Ah, effectivement, oui. Mais de trop longues semaines se seront écoulées avant le déclenchement de cette opération dite humanitaire. Et 75% des Tutsis rwandais auront été assassinés. Toutefois, peu à peu, la communauté internationale aura pris la mesure de l'événement. À la mi-mai, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies fait volte-face. Il est décidé d'envoyer plus de 5000 casques bleus au Rwanda. Ce contingent de l'ONU, là, va-t-il réellement partir au Rwanda? Non. Beaucoup de pays sollicités pour fournir des troupes tergiverses. Et malgré le vote du Conseil de sécurité, les principales puissances ne semblent pas désireuses de s'engager. D'autres semaines sont donc encore perdues. Et soudain, à la mi-juin, François Mitterrand prend la décision de faire intervenir nos troupes et de monter cette opération humanitaire. Pour pallier les hésitations de l'ONU? Oui, pour lui, il y a urgence. C'est même une question d'heure. Après toutes ces semaines perdues, hein, car il y a maintenant plus de 2 mois que le génocide a commencé. Alors pourquoi cette hâte soudaine? Je crois qu'il faut reconnaître au moins cela à Mitterrand. Les nombreux rapports qu'il a reçus sur le génocide rwandais ont dû le frapper, peut-être même le bouleverser. Il considère donc que notre pays doit en quelque sorte sauver l'honneur de la communauté internationale et prendre la décision d'agir. Ouais. Mais il y a d'autres raisons un peu moins avouables. Bien sûr. De plus en plus, la France est accusée d'être co-responsable du génocide. Par conséquent, en organisant tout seul une opération humanitaire, notre pays essaie de redorer son blason. Et effacer ses fautes passées. En effet. Mais certains esprits critiques invoqueront une autre raison. L'opération turquoise n'aurait eu pour but

Ils se reconnaissent donc, eux aussi, une barre de responsabilité. Absolument. Mmh. Alors, pourquoi pas la France qui était autrement impliquée ? Décryptage avec Laure de Vulpian, co-auteur de Silence turquoise, des mobiles de François Mitterrand lorsqu'il lance l'opération turquoise. Je cite. En offrant de se porter au secours des populations menacées avec le feu vert de l'ONU, le président français pensait peut-être pouvoir se racheter aux yeux de son opinion publique. Mais derrière ces apparences humanitaires, turquoise était surtout un message envoyé aux chefs d'État de la France-Afrique. François Mitterrand entendait leur montrer qu'il ne lâchait pas le Rwanda légitime et qu'il pourrait toujours compter sur lui. De fait, le président français a attendu la mi-juillet 1994 et la fin du génocide pour prendre ses distances avec le gouvernement qui s'était emparé des rênes du pays après la mort d'Habyarimana. Au même moment, il offrait à bon nombre de ses membres une providentielle porte de sortie vers le Zaïre via la ZHS, la zone humanitaire sûre. C'est donc avec Turquoise qu'a surgi au sein de l'opinion française un débat sur le soutien accordé aux génocidaires, soutien parfois qualifié de complicité. Le livre de Laure de Vulpian et Thierry Pragnot est publié par les éditions Don Quichotte. La décision de mise en place de Turquoise est prise en Conseil des ministres le 15 juin 1994. On parle alors d'une opération militaro-humanitaire. La juxtaposition de ces deux épithètes est un peu curieuse. Alors, pour justifier cette expression, le gouvernement veut dire par là qu'il s'agit d'une opération humanitaire conduite par des militaires. Mais vous avez raison, c'est ambigu. Ouais. Et qui compose cette force alors ? Avant tout, 220 hommes du COS, le commandement des opérations spéciales. C'est une troupe d'élite qui rassemble des hommes les plus aguerris aux situations de conflit. Commandos de la marine et de l'armée de l'air, parachutistes, légionnaires et gendarmes du GIGN. Le choix de ces hommes n'est pas innocent. Hein. On s'attend à ce qu'ils rencontrent des difficultés. C'est certain, car ils vont aussi être lourdement armés. Mais n'oubliez pas que le Rwanda est alors un pays en guerre. En tout cas, ils arrivent dès le 18 juin à Goma, au Zaïre. Ouais, près de la frontière rwandaise. Et il est prévu que d'autres troupes suivent. Au total, Turquoise mobilisera 2500 militaires français. S'y ajouteront 500 casques bleus, fournis par des pays africains, mais équipés par la France, qui les rejoindront fin juillet. Ouais. Une fois sur place, là, que font ces militaires ? Une précision d'abord. Pour le commandement, ces hommes doivent respecter une stricte neutralité. Ouais, une attitude équilibrée entre Hutu et Tutsi ? Oui, c'est la consigne. Ouais, je veux bien. Bon, en l'occurrence, il y a quand même des gens qui appartiennent au camp des génocidaires, tandis que les autres sont plutôt des victimes. Et c'est toute la difficulté de cette mission. D'autant, je vous l'ai dit, que parmi ces hommes qu'on a envoyés au Rwanda, se trouvent des militaires qui y ont déjà séjourné, par exemple dans le cadre de l'opération Norrois. Ils se sont parfois fait des amis. Hutu, bien sûr. Autre chose. Ces militaires, dont certains sont des officiers, ont été marqués par l'idéologie qui prévalait à l'époque où ils entraînaient les soldats de l'armée régulière, ou pire, quand ils entraînaient les miliciens. Donc, ils étaient toujours enclins à considérer les soldats tutsis du FPR comme des Ougandais ou des envahisseurs, ou pour reprendre une expression très en vogue dans l'armée, des Khmers noirs. De là, généraliser à faire de tout tutsi un rebelle, il n'y avait pas loin. Enfin, la plupart de ces militaires français, s'ils savaient qu'il y avait eu des massacres, pensaient que les deux camps s'étaient entretués, un point c'est tout. Ouais. On ne parlait pas de génocide. Absolument pas. Je vais vous en donner une preuve. Vers la fin juin, le général Germanos, qui à l'état-major est alors le responsable des relations publiques de l'armée, fait un point presse. Il déclare à vos confrères que l'appartenance ethnique des victimes et des auteurs des massacres n'est pas établie. Oui, alors qu'on savait. Et le commandement partageait donc ces sentiments? Je parle du commandement de Turquoise. Je ne sais pas, mais c'est probable. Deux des chefs de Turquoise, le colonel Rosier et son adjoint, le colonel Tauzin, étaient des anciens de l'opération Norrois. Et l'un d'eux avait même participé à une mission secrète chargée d'organiser et de remettre en selle l'armée rwandaise en difficulté. Alors l'opération Turquoise, là, comment opèrent ces militaires? Le détachement est divisé en trois. Un premier groupe se dirige vers la ville jumelle de Goma, Rwanda. Gisenyi, où s'est installé le gouvernement intérimaire rwandais. Oui, gouvernement Hutu donc. Hein. Et ce groupe est aussi chargé de sécuriser un camp tutsi, le seul qui se trouve au Rwanda. Mais cette mission ressemble bien à un coup de publicité. Il faut montrer à l'opinion et aux téléspectateurs français le caractère humanitaire de Turquoise. Enfin, passons. Les deux autres groupes rassemblent 150 hommes et prennent la direction du Sud-Zaïre et fixent leur camp de base à Bukavu, à la frontière avec le Rwanda. Et c'est essentiellement de ces hommes dont nous allons parler. Leur position, là, à Bukavu, leur permet de passer aisément au Rwanda. Hein. Effectivement. Alors, pour revenir à votre question sur leur mission, celle-ci est double. Il leur faut apporter de l'aide aux réfugiés de tous bords qu'ils rencontreront, mais aussi récolter des renseignements. Auprès de la population? Il leur est donc ordonné de rayonner toute la journée avant de retrouver chaque soir leur camp. Et ces éclaireurs doivent s'enfoncer toujours plus profondément dans le pays. Et là se pose une question. Ces missions de renseignement ne sont-elles pas destinées au phare, l'armée régulière rwandaise? Ouais. Mais vous dites ça parce que vous avez mauvais esprit. Admettons. Alors, je reviens à cette mission de renseignement. Les dés sont pipés dès le départ. Ah, expliquez-moi. La région très escarpée dans laquelle vont évoluer les militaires, les montagnes de Bicécéro, et ses alentours étaient peuplés au moins à moitié de Tutsis qui pratiquaient l'élevage. Ouais, tandis que les Hutus étaient plutôt des agriculteurs. Hein. C'est même leur principale différence qui a ensuite été institutionnalisée par le colonisateur. Mais je reprends. Ces éleveurs Tutsis et leurs familles ont été exterminés par milliers. Eux et des Tutsis d'autres régions qui avaient trouvé refuge dans ce territoire montagneux où les grottes sont nombreuses. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire, là. Il ne restait dans la région que des Hutus. Et des Tutsis apeurés qui se cachaient. Les interlocuteurs des soldats français sont donc seulement des Hutus. Qui ont donc une vision partisane. Et ouais. Qui vont même sciemment pratiquer la désinformation. C'est d'autant plus facile que nos soldats ne connaissent pas la région et ce qui vient de s'y passer. Alors, un exemple de désinformation. Ces villageois et leurs chefs locaux n'ont qu'un mot à la bouche. Ils vivent sous la menace des rebelles Tutsis. Ils demandent donc la protection de l'armée française et même son intervention contre ces envahisseurs. Ouais, mais présence Tutsis, il y a une réalité là derrière ces propos? Non. Les seuls Tutsis vivants qui restent dans la région, 2000 tout au plus, sont des malheureux affamés. Qui se le cachent donc. Hein. Oui, les autres ne sont plus que des cadavres. Oui, mais les Français ne le savent pas. Ah, pas encore, non. Ils sont donc enclins à croire ces Hutus qui, par ailleurs, les accueillent avec enthousiasme, persuadés qu'ils sont que Mitterrand, fidèle à l'alliance traditionnelle entre la France et les Hutus, leur a envoyé des sauveurs, des soldats qui distribuent généreusement vivres et eau potable. Seule désillusion pour ces Hutus. On refuse de leur donner les armes qu'ils réclament. Ah oui, quand même. Et quand les militaires français vont-ils prendre la mesure réelle de la situation? Là, il me faut être très précis et respecter la chronologie. Le 26 juin, le détachement du commandant Marin Gillier est sur place. Une petite équipe conduite par l'adjudant du GIGN, Thierry Brugnot, visite les villages accrochés à flanc de montagne. Et presque aussitôt, ces soldats sont confrontés à l'horreur. Là, il découvre une école dévastée dont les murs sont jonchés de traces sanglantes. Ailleurs, il tombe sur un puits rempli de cadavres. Dans une case, des ossements affleurent sur le sol de terre battue. Ouais, alors ça, ce sont des preuves qu'il y a eu des massacres. Mais confortés par le discours de leur hiérarchie et par les témoignages des notables villageois, ces soldats pensent naturellement qu'ils se trouvent devant des tueries perpétrées par les rebelles Tutsis. Ouais, ils n'ont pas de doute. Ah, pas tout de suite. Et pourtant, l'adjudant note que les villageois ne sont guère coopératifs quand il s'agit de les conduire sur les lieux des charniers. D'autre part, ces Hutus, qui ne cessent de leur parler des menaces des rebelles, ne semblent pas particulièrement inquiets. Enfin, presque par hasard, Prugno voit un malheureux sortir de la brousse, amaigri, en guenille. Il semble terrorisé. Et surtout, les autres villageois le regardent avec hostilité. Malheureusement, l'homme ne parle pas français. Ouais, l'adjudant ne peut donc l'interroger. Mais il a une intuition. Il est persuadé que cet individu est un Tutsi, le premier qu'il rencontre depuis qu'il crapahute dans les villages et la montagne. Après avoir enjoint aux villageois de ne pas toucher à cet homme, Prugno rejoint son camp et fait son rapport au commandant Gillier. Ouais. Sur la découverte des charniers. Bien sûr. Et lui-même transmet à Paris, où, à l'état-major, on retient essentiellement que l'ouverture de frousses communes par des Blancs est très mal perçue. Oui, par la population locale. Et c'est tout ce qu'on retient. En effet. Sur place, ce qui préoccupe surtout cet officier, c'est qu'il a reçu des informations inquiétantes. 500 rebelles surarmés, embusqués dans la montagne, seraient prêts à fondre sur les villages Hutus. Et effectivement, dès le 28 juin, on entend au loin dans la montagne de Bicesero des rafales d'armes automatiques. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Je reviens au livre de Lord Vulpian, Silence turquoise, coécrit avec cet adjudant du GIGN dont a parlé M. X, Thierry Prugno. Celui-ci évoque son arrivée au Rwanda. Une foule en liesse, une ferveur populaire. Ça m'a fait penser aux images de la libération quand les chars de la 2e DB entrèrent dans Paris sous les vivas. On nous acclamait, on nous applaudissait. J'avoue, c'était aussi fort qu'un défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées en grande tenue. Radio Rwanda et la radio des Mille Collines annoncent l'arrivée des sauveurs français et invitent tous les Rwandais présents dans l'ouest du pays à leur souhaiter la bienvenue et à leur manifester leur gratitude. Cette scène des vivas se joue et se rejoue des dizaines de fois pendant les premiers jours de Turquoise, dans le moindre bourg ou village où des militaires français sont annoncés. Côté Turquoise, cette entrée triomphale est interprétée comme étant de bon augure. Seule dissonance qui échappe aux militaires français. Radio Mouaboura, la radio du FPR, parle d'invasion française. Dans la montagne, alors ce 28 juin, il y a donc des combats. Et qui durent une partie de la journée. En bas, depuis leur camp, Prugnot et les siens suivent ces affrontements à la jumelle. Alors, que voient-ils? Ils aperçoivent des civils qui sont poursuivis par des hommes en uniforme. Des rebelles du FPR? C'est probable. Mais pour savoir, il faut aller sur place. Ce que propose Prugnot. Mais Gillier s'y oppose. C'est trop dangereux. Le lendemain, 29, l'adjudant du GIGN voudrait opérer une reconnaissance. C'est impossible, car le ministre de la Défense, François Lyotard, vient visiter les hommes du COS. Il faut donc attendre le 30. Et avant de vous parler de ce que vont découvrir les militaires français, petit retour en arrière. Le deuxième détachement est commandé par le lieutenant-colonel Duval, alias Diego. Le 27 juin, celui-ci, accompagné de 12 militaires et de 3 journalistes français, dont le grand reporter Patrick de Saint-Exupéry, grimpe dans la montagne. Ce petit groupe rencontre d'abord des villageois éméchés qui se vantent bruyamment d'avoir liquidé les cafards du secteur. Entendez les Tutsis. Plus loin, des hommes, dépenaillés, surgissent des broussailles. Ce sont des Tutsis, des survivants terrorisés. Et que disent-ils? Ils racontent qu'ils ont échappé au massacre, mais que beaucoup des leurs ont été tués. Pour preuve, ils montrent des cadavres et ils supplient qu'on les aide. Car ils sont encore des centaines, peut-être des milliers, qui continuent à être traqués et qui subissent attaque sur attaque. Mais que peut faire ce petit groupe de militaires français-là? Pas grand-chose. Mais leur commandant Diego leur promet des secours. Ouais, on reviendra. C'est à peu près ça. Et Diego, de retour dans son camp de base, rédige ce qu'on appelle en jargon militaire un CRQ, un compte-rendu quotidien, à destination du chef du COS, le colonel Rosier. Il doit insister sur l'urgence d'une intervention. Naturellement. Hein. Il souligne le fait que 2000 Tutsis risquent d'être rapidement assassinés. Enfin, il affirme n'avoir vu aucun rebelle, seulement des civils Tutsis à bout de force. Ouais, réaction de la hiérarchie, là. Le colonel Rosier est embarrassé. Pour lui, intervenir en faveur de ces malheureux, c'est risquer de se mettre à dos les milices et les autorités hutus. Et il refile la patate chaude, si j'ose dire, à Paris. L'état-major. Oui. Ce qui s'est passé exactement, je ne le sais pas. Mais Diego n'a pas reçu l'ordre de remonter dans la montagne secourir les Tutsis. Quant au fameux CRQ, Rosier dira qu'il ne l'a jamais reçu. Pourtant, Patrick de Saint-Exupéry a bien vu Diego rédiger ce document et le transmettre. Et ce message, qui n'aurait jamais existé, sera retrouvé bien plus tard, en 2005, dans les archives de l'armée. Alors, que faut-il en penser? Qu'on a laissé massacrer encore un bon millier de Tutsis. Ce sont les affrontements qui ont été observés à la jumelle par l'adjudant Prugnot le 28 juin, et qui étaient en réalité une véritable chasse aux réfugiés. Oui, aux cafards. Si le lieutenant-colonel Duval, alias Diego, avait été écouté, ces hommes auraient pu être sauvés? On peut le penser, même s'il se posait quelques problèmes logistiques à l'armée. Mais j'y reviendrai. Alors, reprenons le récit. Le 30 juin, vous ai-je dit, les hommes de l'autre détachement, celui du commandant Gillier, montent vers Bicécéro. Comme Diego, ils constatent d'abord qu'ils ne rencontrent aucun rebelle. Ils progressent donc sans prendre de risques. Et par groupe de deux. L'adjudant Prugnot et l'homme qui l'accompagne arrivent dans une zone en ruine. Ils sont d'abord frappés par l'odeur qui y règne. Un mélange de bois brûlé et de cadavres en décomposition. C'est alors qu'un jeune homme en guenille, un Tutsi, les entraîne à quelques centaines de mètres. L'odeur de mort empire. D'autres militaires français les rejoignent. Un vieillard, hâve et décharné, parlant français, veut les mener encore plus loin et leur parle d'un massacre qui a eu lieu plus bas. Les soldats sont prêts à l'accompagner, mais un officier s'y oppose. Et pourquoi? Toujours la peur d'entrer en contact avec les rebelles. Mais c'est assez rare pour le signaler. Les hommes ne tiennent pas compte du refus de leur supérieur. Un acte de désobéissance. Ils sont une douzaine de soldats, dont Prugnot, à suivre les deux rescapés Tutsis. Ils vont tous découvrir un spectacle insoutenable. La colline qu'ils ont devant eux semble tapissée de cadavres. D'abord, des corps de femmes, d'enfants, de vieillards. Puis ce sont les adultes. Et leur guide d'expliquer que ce sont ceux qui courent le moins vite qui sont d'abord abattus. Et les derniers sont les plus vaillants. Les hommes dans la force de l'âge. Comment réagir devant un tel spectacle? Les militaires sont horrifiés, tétanisés, et ils écoutent les survivants raconter le massacre. C'est alors qu'ils aperçoivent sur la ligne de crête des hommes qui les observent de loin. Et ils comprennent aussitôt. Ce sont les miliciens, les auteurs du massacre. Des hommes à qui, un peu plus tôt dans la journée, ils ont offert des vivres. Mais les Français ne sont pas encore au bout de leurs horribles découvertes. Dans un ravin gisent des centaines de cadavres, des Tutsis, qui ont préféré se jeter dans le vide plutôt que d'être tués à coups de machette. Ce qui, j'imagine, doit particulièrement affliger les militaires qui ont fait ces terribles trouvailles, c'est qu'ils ont compris que les massacres continuaient alors même que Turquoise avait déjà commencé. Et ils doivent ressentir une impression d'échec. Et aussi des ressentiments contre ceux qui leur ont asséné des mensonges. Ouais, la prétendue menace des rebelles du FR. Là. Oui, d'autant pour ceux qui étaient déjà venus au Rwanda qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient formé des génocidaires. Et ils en voyaient aujourd'hui les dramatiques conséquences. Alors, il y a encore beaucoup à dire sur cette bavure de Bicécéro. Mais je vous ai parlé de problèmes de logistique. Et là encore, ça n'est pas très glorieux. Expliquez. Premier point. Sur le plan matériel, Turquoise a été insuffisamment préparée. Le matériel n'a pas toujours suivi les hommes. Des véhicules sont restés bloqués en France ou à Bangui. Et l'armée, je vous l'ai dit autrefois, a même dû faire appel aux avions du trafiquant d'armes Victor Bou pour les transporter jusqu'à Goma. Mais les pilotes de Bou ont refusé de se poser là-bas. Trop risqué. C'est ça. Conséquence, le colonel Rosier a été obligé de réduire la voilure et de restreindre les activités sur le terrain. Mais, et c'est le deuxième point, certains matériels, et particulièrement les avions, ont été utilisés pour d'autres missions. Attendez, avant de me parler de ces autres missions-là, pensez-vous qu'à Bicécéro, les avions auraient pu jouer un rôle ? Ces appareils auraient pu fournir un appui aux opérations de reconnaissance et permettre des sorties massives des troupes en toute sécurité. Car le commandement tenait par-dessus tout à préserver la vie des soldats français. Ouais. Alors ces autres missions-là ? Ultra-secrètes. Elles ont consisté à exfiltrer des conseillers français militaires restés au nord du Rwanda après le 14 avril, date de fin de l'opération Amaryllis. Alors, officiellement, il n'y avait plus de soldats français au Rwanda. Leur présence était donc quasi clandestine. Et que faisaient-ils, là ? Ils continuaient à donner un coup de main à l'armée rwandaise, et par conséquent, ils ont eu connaissance du génocide, et peut-être même plus. Complices ? C'est possible. Et vous comprenez pourquoi, et il fallait les exfiltrer au plus vite, avant que le FPR ne s'empare de tout le Rwanda. Ce qui sera fait le 17 juillet. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Laure de Vulpian et Thierry Pragnot, paru aux éditions Don Quichotte, « Silence, Turquoise ». Et aussi une autre indispensable lecture sur ce sujet, « Complice de l'inavouable, la France au Rwanda » de Patrick de Saint-Exupéry, aux éditions Les Arènes en 2009. Un dernier mot qui n'a rien à voir avec ce qui précède, sauf qu'il est aussi question de génocide et de victimes innocentes. Batchalo est une bande dessinée de Michael Le Galli et Arnaud Bétan qui raconte avec talent le sort qui a été réservé aux Roms d'Europe de l'Est, dont 500 000 ont trouvé la mort dans les camps d'extermination nazis. Un génocide trop souvent oublié, et une histoire qui arrive à point nommé au moment où, un peu partout en Europe, les Roms sont à nouveau victimes de discrimination. Batchalo est publié par Delcourt. À samedi prochain, si vous le voulez bien, nous avons rendez-vous sur franceinter.fr. Rebecca Denant a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Billou et à laquelle Monsieur Djoub a ajouté de nombreuses notes de musique. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.